Mesdames et messieurs, voici le temps prévu pour aujourd'hui en France. Il y a des nuages à l'est du pays, mais le soleil brille dans le sud-ouest et dans le sud. Au nord, la pluie continue de tomber et au nord-est, les températures seront basses. Attention, le temps va changer à l'ouest du pays. Pas d'inquiétude dans le centre, il fait beau et les températures sont douces.